rien de... Tu veux que je tourne un peu l'enceinte, si tu veux? Bien. Non, c'est pas dans l'enceinte. Tu veux que je tourne un peu l'enceinte? Non, c'est bien. Thank you. Thank you. sempre dei cd. Ciao.